Activité 4A. Phonétique. 1. Nous, nu. 2. Mur, mur. 3. Rue, roue. 4. Sourd, sûr. 5. Pour, pour. 6. Vu, vous. 7. Dessous, dessus. 8. Tu, tout. 9. Remue, remue. 10. Sous, sous.